Remerciements. Je dois énormément aux relecteurs qui sont intervenus sur cette série au long de sa publication ou qui se sont dévoués pour la présente édition. Ils ont efficacement participé à l'élaboration du texte. Pour la publication sous forme de livre, j'ai été conseillé et accompagné par Morgwen et Artemisia. Watou a proposé ses illustrations pour les couvertures. Grand merci également à mes nombreux lecteurs en ligne qui ont rendu cette aventure riche en échanges et en rencontres. Leur présence a donné un sens à ce long moment d'écriture et leur présence a été salutaire. Certaines de leurs idées ont pu être exploitées dans cette histoire. Je leur suis particulièrement reconnaissante pour leur patience. Ceux qui ont découvert cette histoire dès le début ont dû attendre 10 ans pour en lire l'épilogue. Les retrouver après des mois d'interruption a toujours été un immense plaisir pour moi.